1964 s'annonçant comme une année explosive sur le front racial, j'ai convoqué cette conférence de presse pour clarifier mes positions dans la lutte. Des divergences internes à la Nation d'Islam m'ont contraint à quitter cette organisation. Par le passé, ma pensée était la pensée et mes paroles, les paroles de l'honorable Elijah Mohamed. Vous vous souviendrez que je disais toujours « l'honorable Elijah Mohamed nous enseigne », etc. Ces temps sont révolus. À partir d'aujourd'hui, j'exprimerai avec mes mots ma propre pensée. Jouissant d'une plus grande indépendance d'action, j'ai l'intention de me montrer plus souple dans le travail avec d'autres, à la recherche de solutions aux problèmes. Je n'ai pas l'intention d'affronter les autres leaders noirs et dès maintenant, j'ai décidé d'oublier toutes les attaques dont j'ai pu faire l'objet et je les prie d'agir de même en oubliant mes attaques contre eux dans le passé. Nous devons travailler ensemble à la recherche de solutions communes à nos problèmes. Problèmes. Problèmes. Problèmes. Problèmes. Problèmes.